Peut-être avez-vous vu récemment en ville ces corneilles en bande organisée déchiqueter les sacs poubelles transparents, voire prendre en chasse des passants qui s'approchent trop près de leur nid. Peut-être avez-vous aperçu des perruches à collier qui s'installent de préférence dans les endroits bruyants pour que les prédateurs les repèrent plus mal, ou des renards furetés non loin des cimetières ou des friches industrielles. Sans parler des rats, des pigeons, des écureuils gris, voire des ratons laveurs ou des moustiques, la ville transforme la faune, fait évoluer plantes et animaux. Plongeons ensemble dans le vaste monde de la faune urbaine. Faune urbaine, du goudron et des plumes, c'est le programme à poil qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoluer parmi ces animaux et comprendre ce que la ville leur fait ou ce qu'ils font à la ville, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Emmanuelle Baudry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse de laboratoire écologie systématique et évolution à l'université Paris-Saclay et nous sommes en ligne avec Gilles Boeuf. Bonjour Gilles. Bonjour. Vous êtes biologiste, professeur à Sorbonne Université, président du CEBIOS, le centre d'études et d'expertise en biomimétisme, et professeur invité au Collège de France. Mais on commence par celle qui sait s'adapter à tous les environnements, sauf peut-être à la jungle. C'est Natacha Trieux. Bonjour, bonjour Nicolas. Bonjour Natacha. Et on commence ce journal avec une découverte inattendue publiée dans la revue Nature. Les cellules cancéreuses se propagent essentiellement durant le sommeil. Alors c'est un processus qui s'appelle l'intravasation. C'est lorsque les cellules cancéreuses se détachent de la tumeur pour entrer dans la circulation sanguine. Une équipe de Zurich, en Suisse, a fait différents prélèvements, à différents moments de la journée ou de la nuit, chez 30 femmes atteintes d'un cancer du sein et sur des modèles de souris. Alors jusqu'à présent, on pensait que les cellules cancéreuses du sein se propageaient 24 heures sur 24. Ces chercheurs démontrent, sur les souris comme chez les patientes, que le taux de cellules cancéreuses circulantes dans le sang est variable en fonction des phases d'activité ou de repos, et qu'il y a une augmentation significative lors du sommeil. 78% des cellules cancéreuses circulantes provenaient des échantillons de nuit des patientes. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter de dormir. En revanche, cette découverte va avoir des conséquences sur la recherche en oncologie et sur nos stratégies thérapeutiques. Stéphanie Grandemange est professeure des universités à l'Université de Lorraine au laboratoire CRAN. Où il démontre par cette étude qu'il y a une augmentation du taux de cellules circulantes pendant les phases de repos, soit des patientes, soit des souris. Donc ce qui veut dire en fait pour eux, c'est qu'il y aurait donc une dépendance de ce que l'on appelle l'horloge circadienne, une dépendance de cette horloge dans la production de ces cellules circulantes et dans aussi le pouvoir de métastatique de ces cellules. Parce que c'est pas parce qu'une cellule cancéreuse est circulante qu'elle est forcément métastatique. Et là, ils arrivent à démontrer qu'il y a une augmentation du taux de cellules circulantes pendant la phase de repos et une augmentation aussi de leur pouvoir métastatique, c'est-à-dire leur capacité à aller proliférer ailleurs dans un autre organe. Ils font état de l'oscillation hormonale qui se joue pendant ces phases de repos et d'activité, puisqu'en fait, ils ont pu mettre en évidence qu'il y avait différents récepteurs hormonaux qui étaient exprimés au niveau de ces cellules cancéreuses circulantes. Et ils ont pu montrer que l'ajout des hormones qui vont pouvoir se fixer sur ces récepteurs perturbait cette balance de quantité de cellules circulantes et également sur leur pouvoir métastatique. Donc, il y a une influence hormonale. Voilà ce qu'ils viennent vraiment démontrer. Alors après, que les hormones stimulent la prolifération des cellules cancéreuses, etc., c'est des choses qui sont assez bien connues, mais ça n'avait jamais été montré que les hormones allaient pouvoir affecter le taux de cellules circulantes ainsi que leur pouvoir métastatique. Et je pense qu'effectivement, ça soulève beaucoup de questions. La première chose qu'ils mettent en avant, c'est qu'il va falloir véritablement prendre en considération les moments où sont réalisés les prélèvements sanguins des patientes pour aller détecter ces cellules circulantes, puisqu'en fait, ils démontrent bien qu'en fonction de l'heure de prélèvement, il peut y avoir des variations. Donc ça, c'est le premier élément. Ils démontrent également par l'influence hormonale qu'il y a tout un tas de pistes encore qu'il faudrait aller explorer vis-à-vis de l'importance de ces hormones dans le pouvoir métastatique. Et puis, d'un point de vue thérapeutique, ils soulèvent la question dans leur conclusion, à savoir est-ce que les administrations thérapeutiques ne devraient pas être réalisées finalement dans des phases de repos pour qu'elles soient plus efficaces sur les cellules métastatiques. Voilà, et si vous voulez retrouver l'étude publiée dans Nature, nous avons comme chaque jour publié le lien sur notre fil Twitter @lamethodefc ainsi que sur le site de l'émission franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans la revue Science, nous avons découvert la plus grosse bactérie au monde, Thio Margarita magnifica. Elle est si grande qu'on peut la voir à l'œil nu, sans microscope. Dans les mangroves de Guadeloupe, une équipe franco-américaine a découvert de longs filaments blancs d'environ 1 cm de long. Alors, vu leur taille, les chercheurs ont d'abord cru qu'il s'agissait d'eucaryotes. Mais les analyses par microscopie électronique et par séquençage génomique ont révélé qu'il s'agissait bien d'une magnifique mégabactérie avec une organisation membranaire complexe. Les bactéries mesurent environ 2 micromètres, soit 0,0002 cm. Donc en termes d'échelle, c'est comme si nous rencontrions un humain de la taille du Mont Everest. Thio Margarita magnifica rejoint donc le curieux bestiaire bactérien. Selon une étude parue dans la revue Science Advances, des chercheurs ont fait jouer des chimpanzés à des jeux vidéo. Et les chercheurs de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive ont appris à 6 chimpanzés d'un zoo à se servir d'un écran tactile pour jouer à un jeu vidéo de réalité virtuelle. Un jeu dans lequel le singe doit se rendre jusqu'à un arbre pour cueillir un fruit. Alors lorsqu'il y parvenait, le singe était récompensé par un vrai fruit. Alors d'une part, les primates ont su se déplacer dans un environnement virtuel. Et d'autre part, cette expérience permet aux chercheurs d'analyser les compétences en navigation des primates et à mieux comprendre comment ils se déplacent dans une jungle, même lorsqu'ils sont en captivité. Et enfin, toujours dans la revue Science Advances, nous avons tendance à devenir amis avec des personnes qui partagent la même odeur que nous. Et les mammifères terrestres que nous sommes se reniflent constamment. Alors lors d'une nouvelle rencontre amicale, il nous arrive parfois d'avoir un coup de cœur immédiat et de nous sentir intimes depuis longtemps. Cela a peut-être quelque chose à voir avec nos odeurs corporelles. Une équipe israélienne a recruté 20 duos d'amis du même sexe et ils ont échantillonné leurs odeurs corporelles. À l'aide d'un iNose, d'un nez électronique équipé de capteurs pour analyser la composition chimique, les chercheurs montrent que les signatures olfactives d'amis sont statistiquement plus proches que les odeurs entre non-amis. Et selon les fragrances de chacun, nous pourrions même prédire ce lien affectif. Selon les auteurs, cette étude prouve qu'il y a bien de la chimie dans la chimie sociale. Et merci Natacha, et à demain pour le prochain journal des sciences. Lorsque l'on pense à la faune urbaine, les premiers animaux qui viennent à l'esprit sont en général le pigeon, le rat, voire le moineau, bien que celui-ci tente à disparaître. L'expansion constante des surfaces urbanisées rapproche de plus en plus une faune sauvage d'espaces construits. C'est ainsi que le faucon cresserelle, le raton laveur, le renard, voire le sanglier ou même des cervidés finissent par faire des incartades dans certains voisinages. Mais si la ville a été initialement un espace dont on a volontairement et systématiquement chassé la nature, les choses aujourd'hui s'inversent, notamment à cause du réchauffement climatique et des espaces verts, des friches, des points d'eau refont leur apparition entre deux espaces de bitume ou de béton et créent de nouvelles niches écologiques. Comment réguler cette faune urbaine? Faut-il la réguler? Notamment les espèces jugées invasives ou nuisibles. Exemple en Lorraine avec le pigeon. C'est notre archive du jour. Comme tous les 15 jours, Jean-Marc Debric inspecte le pigeonnier. Pour l'instant, son travail consiste à le nettoyer, à nourrir aussi les 10 couples qui y nichent et attireront bientôt d'autres pigeons. Au printemps, dès les premières nichées, il ne restera qu'à piquer les œufs pour les rendre stériles. C'est une méthode qui est pérenne dans le temps. C'est une population qu'on va pouvoir réguler année par année, alors que le piégeage, déjà c'est une méthode très brutale, hein, on tue les pigeons et on s'en occupe plus. Alors que là, on va pouvoir faire qu'on puisse garder une population de pigeons à un niveau raisonnable pour une commune. Chaque année, un couple de pigeons peut donner naissance à 16 oisillons. Avec ce pigeonnier contraceptif, Moyeuvre Grande espère donc réguler sa population de volatiles. Une manière de limiter les éventuels risques sanitaires et de lutter contre les dégradations de bâtiments. Ce pigeonnier a coûté 15 000 euros à la ville. Il peut accueillir jusqu'à 160 oiseaux. Voilà, reportage de nos collègues de France 3 Lorraine de mars 2017. Une réaction peut-être à ce reportage et à la régulation nécessaire ou non d'ailleurs de ce type d'espèce animale, Emmanuel Baudry. Oui, alors ça c'est intéressant parce qu'effectivement c'est une méthode de régulation qui fonctionne a priori alors déjà mieux hein, que les méthodes de régulation à l'ancienne qui étaient de capturer des pigeons et puis de les euthanasier. Et c'est une méthode qui a aussi l'avantage de marcher pour la perception en fait qu'ont les urbains des pigeons, puisqu'on s'est aperçu que la perception d'avoir trop de pigeons, d'être gêné par les pigeons, n'était pas si dépendante que ça de la quantité de pigeons qui était effectivement présente. C'est beaucoup une perception de est-ce que le pigeon est à sa place ou pas. Et en fait on s'est aperçu que quand on met des pigeonniers en place où on trouve du coup les animaux puisqu'ils sont nourris dedans, eh bien les urbains, enfin les gens, hein, du coup voient des pigeons qui sont à leur place sur un pigeonnier et du coup ils les perçoivent comme beaucoup moins gênants que s'ils sont sur les trottoirs, sur le bitume. Du coup c'est un peu deux effets bénéfiques, quoi. On joue sur la population sans être, sans passer par des méthodes d'euthanasie, quoi. Et aussi on joue sur la tolérance en fait des urbains pour les pigeons. Donc voilà, une super méthode. C'est vrai Gilles Boeuf, que pour concernant la faune urbaine, il y a un peu deux poids deux mesures. Il y a ces animaux qui sont jugés nuisibles ou sales ou délétères, les pigeons, les rats, les cafards, les mouches, et puis il y a d'autres animaux que l'on tolère mieux. Ça, c'est quelque chose de nouveau, ça a changé au fil des époques. Oui, bien sûr. Rappelez-vous les corbeaux de Montfaucon qui venaient manger des pendus. Mais le grand corbeau, il vient d'une espèce maintenant qu'on essaie de garder avec nous, mais qui est une espèce rare. Tout est, j'ai bien dit ce que disait ma collègue à l'instant, en fait, quelle est la perception qu'on a? Ce qui serait faux de croire, c'est que la ville est dénuée d'espèces, entre parenthèses, sauvages, capables de revenir en ville. On fait une ville, on artificialise, donc on détruit tout, et puis le vivant se réinstalle. Alors bien sûr, les rats, c'est extrêmement connu, le rat a toujours accompagné les humains, et on peut relier ça au problème aujourd'hui lié aux pathologies, hein. Rappelez-vous les grandes pestes de la fin de l'Empire romain, et ensuite venues de Chine aussi durant le Moyen-Âge, hein. Et ces rats accompagnaient les humains sur des navires. Ils débarquaient ensuite, et puis ils modifiaient tout ce qu'on pouvait imaginer en relation avec l'écosystème local. Aujourd'hui, sur des rats qui ont été introduits sur des îles, par exemple, dans différents environnements très isolés, c'est une vraie catastrophe, hein. Éradiquer le rat d'une île coûte une fortune. Donc l'humain a toujours eu des commensaux avec lui, comme ça, les rats, les souris. Le pigeon, effectivement, en ville, est devenu un problème. Encore une fois, le problème, c'est pas le pigeon ou le rat ou la souris, c'est la démesure. C'est quand on arrive à des systèmes où, effectivement, les gens ne se portent plus. Nous, à la Pointe Bretonne, on avait un problème avec le coëlan argenté. Un gros oiseau, hein, c'est pas le pigeon, était rare à la fin du 19e siècle. Puis il s'est mis à proliférer, il a suivi les décharges publiques des humains, et pour les rencontres dans des villes maintenant à plusieurs centaines de kilomètres de l'océan, le grand cormoran est venu de décharge en décharge. Donc une grande partie de ce vivant qui revient en ville est liée aux activités humaines non contrôlées. Et je pense que tout type de régulation qu'on mettra en place doit être soigneusement choisi et réfléchi pour qu'on puisse tenir compte de ça, bien évidemment. Le retour du sanglier, c'est évident. Moi, qui étais au Chili, juste à la fin du confinement, le grand condor royal, qui est une espèce très rare, s'est retrouvé en pleine ville à Santiago, ce qu'on n'avait jamais vu. Il faut dire que historiquement, Emmanuel Baudry, la ville a longtemps tout fait pour éradiquer la faune au maximum parce qu'elle était jugée comme nuisible. Or, le paradigme est un peu en train de changer. Aujourd'hui, on fait attention à ces espèces qui deviennent, d'une certaine manière, des espèces urbaines endémiques. On les protège, on les régule. En tout cas, on y prête attention. On n'essaie plus justement uniquement de les chasser. Oui, c'est intéressant comme idée. Je pense qu'effectivement, on est venu à cette idée que les villes peuvent être aussi des espaces d'accueil pour la biodiversité. Donc c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé avec l'écologie urbaine, qui est une discipline assez récente en fait. Pendant assez longtemps, la ville n'était pas du tout un terrain de jeu pour les écologues, puisqu'on estimait qu'il y avait rien en ville. Donc du coup, forcément, on n'étudiait pas l'absence d'espèces. Et on s'est aperçu que même si, alors il y a moins d'espèces en ville, hein, que dans l'environnement naturel, soyons clairs, mais on s'est aperçu qu'il y a quand même pas mal de choses et qu'elles ont un rôle qui peut être intéressant. Alors à la fois pour fournir des services aux urbains, mais aussi comme élément de relation avec la nature pour les urbains. Et du coup, je pense qu'on a plus qu'avant, effectivement, ce souci d'accueillir en fait la biodiversité en milieu urbain, ce qui est assez récent, tout à fait. Gilles Boeuf, sur cette question? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a une équipe au muséum qui s'occupe de diversité urbaine, que connaît bien notre ami. Tout à fait. Pendant longtemps, on s'est dit, les villes, voilà, il n'y a plus rien, donc de toute façon, on ne regarde pas, alors qu'on se rend compte, on ne parle pas des plantes aujourd'hui, mais simplement, il y a 7000 espèces de plantes en France, il y en a 1000 dans Paris, hein, en dehors déjà, 1000 espèces. Ça veut dire que le vivant s'est réinstallé autour de nous, souvent d'ailleurs venu par des activités humaines qui n'étaient pas contrôlées. Hein. Le retour, par exemple, de friches ou de débris, ramener d'ailleurs une plante rare aujourd'hui, peut se retrouver en plein Paris. parce qu'elle n'était pas là initialement, mais elle a été amenée par des déchets qui ont été ramenés d'ailleurs. Et c'est pareil pour le vivant animal qu'on évoquait tout à l'heure. Hein. Rappelez-vous le retour des faucons pèlerins sur les tours de Notre-Dame. Mmh. Événement incroyable, oiseau emblématique, magnifique, que tout le monde admire, bah, il est installé. Je crois qu'en ville, l'animal tire parti de la verticalité, donc les oiseaux sont super, super concernés. Mmh. Du fait que l'hiver, il fasse effectivement beaucoup moins froid au centre-ville qu'à l'extérieur, et puis de l'absence de prédateurs aussi. Donc c'est vrai que cette cohabitation récente, alors je vais juste dire un petit mot sur le nuisible. Hein. Alors le mot nuisible, à nous écologues, il nous révulse beaucoup, parce que d'abord ces espèces sont là bien avant que l'humain n'apparaisse. Bon, je vois pourquoi les dieux auraient inventé des trucs pour embêter les humains quelques millions d'années après, ou enfin, dizaines de milliers d'années après. C'est une façon de voir les choses. Hein. Mmh. Les chasseurs utilisent encore le terme de nuisible. On apprenait encore le terme de nuisible aux enfants dans nos écoles dans les années 60. Hein. Donc nuisible ou utile, c'est fonction effectivement des relations qu'on va établir. Le rat pose problème, parce que c'est vrai que le rat est absolument partout. On a même des cas où les rats ont des marqueurs d'arrivée d'humains. Rappelez-vous l'histoire des petites souris de l'île de Madère. Hein. On n'a aucune trace de l'installation du viking physique à Madère, n'empêche qu'il y a une vallée de Madère où la génétique est formelle, ces petits animaux viennent du Danemark. Donc vous voyez, il y a plein d'histoires comme ça, où l'humain, de façon involontaire, a amené effectivement ces espèces avec lui quand il faisait le tour du monde, en dehors des espèces domestiques qu'il emmenait volontairement avec lui, hein, qui étaient les chiens, les chats, les moutons, les chevaux quelquefois. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons de faune urbaine à 16h15 sur France Culture, tout au long de cette heure en compagnie d'Emmanuel Baudry et de Gilles Boeuf. Alors, est-ce qu'il faut aujourd'hui, selon vous Emmanuel Baudry, considérer en fait la ville comme un tout, c'est-à-dire comme un écosystème global qui va influer sur cette faune, comme une somme de petits écosystèmes, et quelles seraient leurs particularités ? Oui, alors c'est une excellente façon, je pense, de considérer cet écosystème. Donc la ville, elle a des particularités qui lui sont propres. Alors bien sûr, hein, la définition de la ville, c'est d'avoir des surfaces imperméabilisées en proportion élevée. Donc en centre-ville, on peut avoir jusqu'à 80% de la surface qui est imperméable, donc couverte de goudron, de ciment, de béton, bien sûr, du coup, qui ne supporte plus de végétation. Mais dans cette ville, il y a aussi un aspect très différencié, c'est-à-dire qu'on va trouver des parcs urbains, on va trouver des jardins domestiques aussi, qui sont souvent une grande surface, en fait, d'espace vert à l'intérieur des villes. Et du coup, ça veut dire qu'on va avoir des habitats vraiment très différents entre eux et qui peuvent en fait abriter une diversité d'espèces relativement plus importante que ce qu'on pourrait attendre. Donc tout à fait, c'est intéressant de ne pas juste considérer la ville comme un ensemble homogène, mais en fait comme une mosaïque d'habitats, certains étant en fait relativement favorables pour pas mal d'espèces, tout à fait. Cette mosaïque d'habitats, Gilles Boeuf, on peut parfois la considérer comme des sortes d'îlots ou d'ilgues coupées les unes des autres et qui développent d'une certaine manière à chacune leur propre spécificité, leur propre petit écosystème en quelque sorte. Alors tout à fait, à un moment d'ailleurs on avait appliqué des modèles mathématiques de l'écologie des îles pour travailler sur des espaces séparés du reste. Maintenant, bien sûr ça existe, mais on est plus intéressé maintenant par les jonctions entre ces territoires isolés, ce qu'on appelle les trames, la trame bleue par l'eau, la trame verte par la végétation. C'est très important, on se rend compte que le vivant, en fait, c'est le morcellement qui aujourd'hui l'embête beaucoup plus que quelquefois l'unique destruction sur un site particulier. Donc toutes ces questions-là du morcellement de l'habitat urbain et puis du retour du vivant dans nos villes, extrêmement intéressant. On arrive à des paradoxes inouïs du style, par exemple, un des lieux les plus riches en biodiversité au sein de Paris, c'est quand même le cimetière du Père Lachaise, hein, où les humains font assez peu de mal qu'ils sont là aux animaux qui s'y trouvent. Emmanuel Baudier, vous vouliez réagir sur ces îlots de biodiversité. Oui, exactement. Alors, ça me fait penser à une étude que j'avais beaucoup appréciée avec un collègue du muséum il y a quelques années, Jean-Louis Chapuis. On avait travaillé sur les écureuils du parc de Sceaux. Et là, on est vraiment sur l'exemple, en fait, d'une île, d'un îlot de verdure en milieu urbanisé. Ça se voit très bien sur les cartes. On a vraiment ce milieu, qui est très dense, hein, quand même, autour du parc de Sceaux. Et on a ce grand espace vert qui abritait une population relativement importante d'écureuils roux, mais avec des échanges avec l'extérieur qui étaient très compliqués. Donc, en fait, on se retrouve, juste pour dire qu'effectivement, on a vraiment cette problématique d'îlots qu'on retrouve complètement au milieu urbain. Qu'est-ce qui fait, Emmanuel Baudry, qu'une espèce dite sauvage va d'un seul coup migrer, changer d'habitat pour venir s'implanter dans un espace urbain? Oui, alors c'est une question dont la réponse n'est pas si évidente. C'est des choses qu'on a vraiment vues sur des tendances relativement récentes. Par exemple, les mouettes et les goélands n'étaient pas présents en ville. Et puis, c'est présenté par la suite. Hein, ils sont arrivés dans les années 90. Alors, C'est très flagrant à Paris, parce qu'on entend maintenant très régulièrement des mouettes ou des goélands en se disant, tiens, c'est curieux. Moi, je trouve ça extraordinaire. J'ai travaillé à Jussieu, et donc, des fois, quand on est haut de la tour, tout d'un coup, il y a les mouettes qui tournent autour quand on regarde par la fenêtre. Et vraiment, on a l'impression d'être en bord de mer. Ouais. C'est très surprenant. On n'a pas forcément d'idée, à ma connaissance, très précise. Il me semble qu'on considère qu'il y a deux facteurs qui se sont produits. Alors, d'une part, c'est vraiment une question de quantité de nourriture et puis de réchauffement. Donc, ça, c'est deux facteurs qui ont vraiment joué beaucoup. On a beaucoup de déchets en ville, et puis on alimente aussi beaucoup les animaux, donc du coup ça devient attractif en fait, en termes de ressources alimentaires. Et puis il y a le phénomène de d'îlots de chaleur urbains qui sont aussi dans certains cas assez favorables en fait, en prolongeant la saison où les conditions sont favorables pour les oiseaux. Donc a priori, et puis il y a aussi des phénomènes de colonisation qui font qu'une fois que c'est un petit peu amorcé, comme Gilles l'a dit tout à l'heure, on a des phénomènes de proche en proche qui se commencent petit à petit puis qui aboutissent jusqu'à la ville. Donc c'est un peu une combinaison de tout ça a priori qui explique des tendances qui sont souvent assez marquées en fait. On a vraiment quelque chose qui a bougé beaucoup sur les dernières décennies, tout à fait. Alors, pour poser la question dans le sens inverse, Gilles Boeuf, est-ce que certaines de ces espèces ont des caractéristiques particulières qui font qu'elles sont plus à même de s'adapter au milieu urbain? Elles sont plus généralistes, elles sont plus endurantes, je ne sais pas. Oui, c'est ces espèces qu'on appelle opportunistes, quand on parle des oiseaux, c'est très clair. C'est pas n'importe quelle espèce qui va s'installer effectivement en pleine ville, elle a des capacités adaptatives extraordinaires, Le rat est fabuleux, Le rat, j'admire toujours les rats. Le rat, il sort plus vite d'un labyrinthe que vous et moi, donc en ville, il est ravi, Il s'installe absolument partout. Et c'est important ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, ça a été des activités humaines incontrôlées. Je parlais des décharges tout à l'heure, qui de place en place ont permis à des espèces du littoral marin d'arriver très loin dans les terres. Elles n'ont pas fait le chemin en une seule fois. Et ça, c'est, il faut le considérer toujours en permanence. Chaque fois que l'humain, en fait, a bougé, il a emmené avec lui les espèces qu'il voulait emmener. On a parlé de ses chiens, de ses chats tout à l'heure, en permanence. Mais aussi des intrus qui étaient là parce qu'ils ont toujours tiré parti des activités humaines pour vivre au mieux que si ça avait été ailleurs. Quand on regarde ce qui se passe pour les petits rongeurs, qu'on évoque les campagnols, on arrive à des choses qui sont tout à fait extraordinaires. Et puis, c'est comme ça, c'est d'ailleurs que la relation avec l'animal s'est établie. Comment est-ce que l'humain a domestiqué au début? Il est parti d'un animal sauvage qu'il observait. Vous vous rappelez le loup dans le film de Kevin Costner, Danse avec les loups, on lance un petit morceau de viande à un loup, c'est le prémisse de ce qui sera la domestication du chien. Et ça, c'est vrai que beaucoup d'animaux dits sauvages ont merveilleusement tiré parti des activités humaines, je dirais, débridées, on parle des décharges tout à l'heure, comme disait mon ami, qui ont fait que finalement, ils se trouvent dans des conditions qui sont supérieures. Il y a à manger, il y a moins de prédateurs, bien souvent, et puis on s'installe. Et tout est un problème de mesure. L'histoire des pigeons est typique, quoi. Quelques pigeons dans Paris, on parlait des perruches à collier tout à l'heure. Oui. Ça, c'est des trucs qui ont été relâchés. N'oubliez pas qu'on a trouvé en plein Paris, à New York, c'est connu, des crocodiles, des alligators des Everglades en plein New York, que quelqu'un avait ramené, puis quand l'animal est un petit peu trop gros dans la baignoire, on le laisse partir. Il ne meurt pas, il s'installe. Et ça, c'est le cas. On a un problème en ce moment avec une grosse tortue très carnivore du sud des États-Unis, dans la région bordelaise, qui pose vraiment des problèmes. Elle peut manger un petit chat. Et puis, tout est à l'avenant. Donc, c'est vrai que l'arrivée du vivant en ville, d'abord, je pense que ça va plus vite, comme disait ma collègue, qu'il y a encore quelques dizaines d'années. Et puis, c'est un petit peu... Alors, les contrôleurs ont toujours été là, les cafards, parce qu'ils sont incroyablement adaptatifs et opportunistes et géniaux. C'est pour ça qu'ils sont là depuis autant de centaines de millions d'années, d'ailleurs. Mais on a des choses, des fois, qui nous impressionnent beaucoup, nous-mêmes. Rappelez-vous ces images de puma faites en plein, en plein Hollywood, là. Il est autour de la ville. D'ailleurs, tout à l'heure, mon ami parlait des toits de Jussieu. On les connaît bien. Durant le confinement, on a vu des trucs assez incroyables, des retours. Alors, en fait, soit ils sont revenus, soit ils étaient déjà là, mais beaucoup plus distraits que d'habitude. En tout cas, on les a vus en pleine ville, des animaux qui sont réputés, bien sûr, tout à fait sauvages. Et si je termine, si vous connaissez un peu l'Inde, j'ai vécu un temps à Bangalore, en plein centre de Bangalore, la panthère s'installe dans une ville de plus de 10 millions d'habitants pour manger des chiens. Et c'est banal là-bas, en fait. Et puis tout revient en ville, effectivement. Mais alors, justement, qu'est-ce qui fait? Parce que il y a ces incursions que Gilles Boeuf évoquait des alligators dans les égouts de New York, mais pour autant, ils ne s'implantent pas. C'est-à-dire qu'ils ne s'implantent pas durablement. Ils arrivent à survivre, mais ils ne se reproduisent pas et ça ne devient pas une espèce endémique comme quand on voyait, par exemple, durant effectivement le confinement des sangliers ou des cervidés faire des incursions. Néanmoins, ça ne crée pas des colonies en quelque sorte, parce qu'il y a aussi pour s'adapter à la ville des problèmes. Il n'y a pas que des avantages, il y a la pollution, il y a l'éclairage permanent. Et encore une fois, est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça va prendre souche, en fait, pour, si on parle des mouettes, par exemple, ou des corneilles dont on parlera plus spécifiquement dans quelques minutes? Oui. Effectivement, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on a quand même pas mal d'espèces en ville, mais qu'on en a quand même nettement moins que dans le milieu naturel. C'est-à-dire qu'en fait, quand même, la plupart des espèces, une partie pas négligeable des espèces s'adapte au milieu urbain, mais c'est pas du tout non plus la norme. Il y a pas mal de caractéristiques, comme l'a rappelé Gilles tout à l'heure, qui sont associées avec le fait de réussir à s'adapter au milieu urbain. Il y avait une très jolie étude d'un de mes collègues il y a quelques années sur les oiseaux. Il avait essayé de regarder toutes les espèces d'oiseaux et ensuite regarder celles qu'on trouvait ou pas dans le milieu urbain. Et c'était aperçu que la caractéristique qui prédisait le mieux en fait l'installation dans le milieu urbain, c'était la grande gamme de comportements. C'est-à-dire qu'en fait, certaines espèces qui avaient une gamme de comportements plus importante, se retrouvaient statistiquement beaucoup plus en ville. Réciproquement, celles qui étaient moins variées, moins adaptables, moins généralistes, se retrouvaient moins en ville. Donc il y a pas mal de caractéristiques, et c'est là une des caractéristiques majeures a priori de capacité d'adaptation, même si c'est pas la seule au milieu urbain en fait. J'ai lu également que la ville était une sorte d'accélérateur évolutif finalement pour les espèces qui s'implantent et qui finalement évoluent plus rapidement que l'évolution naturelle en milieu rural. C'est vrai ça, Gilles Boeuf? Ah oui, on a un cas fabuleux avec les moustiques du métro londonien. Oui, dans les années 25-30, le culex pipien, ça, celui qui vous embête, qui autour de vos oreilles la nuit, là, que vous écrasez contre le mur, était rentré dans le métro londonien. Et puis, écoutez, avec du temps, le métro londonien, c'est génial pour un moustique, il fait chaud toute l'année, il n'y a pas de prédateurs, il n'y a pas d'hirondelles, et il y a des mètres cubes de sang humain à pomper. Ils sont installés, et au bout de quelques temps, quelques dizaines d'années, on a trouvé sur deux lignes du métro londonien un moustique, qui a priori ressemble bien sûr au soleil qui est arrivé, mais n'empêche qu'ils ne se reproduisent plus entre eux. Donc c'est vraiment la définition de l'espèce. Si on le ramène à l'extérieur, il est incapable de se reproduire avec celui de l'extérieur. Donc vous avez le moustique de la ligne 10, de la ligne 3. On a cherché à Paris, on trouvera bien une serrure. Mais c'est vrai que ça, c'est des cas assez extrêmes où l'humain a complètement changé le système. À l'inverse, vous avez un cas fabuleux que l'humain a créé, c'est les maladies nosocomiales en hôpital. Où là, il vous reste plus qu'une seule espèce dans une salle d'hôpital, mais mortelle pour l'humain parce qu'elle résiste à tous les antibiotiques. Donc vous voyez comment nos activités incontrôlées, il y a absolument aucune... On est complètement imprévoyant. Créer ces choses particulières, et le vivant tellement effectivement adaptable, adaptatif, je peux parler d'intelligence, ce dont je vais parler, c'est effectivement d'une capacité extraordinaire à faire face à de nouveaux environnements, et puis on tire parti et s'installe, et on va découvrir des choses en permanence comme ça. Emmanuel Baudier, vous vouliez aussi réagir sur cette question de l'accélération de l'évolution, en fait, parce qu'il y a plein d'autres exemples que celui du moustique. Oui, tout à fait. Alors, je voulais juste ajouter un exemple que j'aime beaucoup, c'est celui d'une espèce de pinson américaine, qui en ville se nourrit beaucoup de la nourriture donnée par les urbains, donc dans les mangeoires, et ces mangeoires sont souvent remplies de graines de tournesol. Or, les graines de tournesol, c'est relativement gros et c'est relativement dur, et ça nettement plus que les graines qu'il consomme dans son milieu naturel. Et du coup, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une grosse modification de la taille du bec chez ces pinsons urbains, qui est plus large et un petit peu plus longue, qui lui permet donc de mieux accéder à ces graines de tournesol. Et pour les biologistes de l'évolution, c'est un très joli exemple, parce qu'évidemment, ça fait penser aux pinsons de Darwin, qui ont permis de mettre en évidence la théorie de l'évolution dans les Galapagos. Et donc c'est un joli exemple très concret d'une pression adaptative, la présence en fait de grandes quantités de graines de tournesol qui conduit une adaptation morphologique très claire pour exploiter ce milieu. Et comment on explique cette rapidité finalement? Parce que ça pourrait être justement un élément pour décourager, pour empêcher l'implantation durable. Comment est-ce qu'on explique qu'il y ait une sorte de forçage génétique en quelque sorte? Oui, alors pour moi c'est peut-être plus la pression de sélection qui est forte. C'est-à-dire qu'en fait le vivant a des capacités de réponse qui sont de toute façon rapides. Dans le milieu naturel, on voit en fait ces modifications, mais ce qui est rare dans le milieu naturel, c'est d'avoir un changement comme ça de ressources très rapide et qui va se prolonger dans le temps. Du coup, en fait, à mon sens, c'est plutôt la pression forte et constante de l'environnement qui va conduire à ce gros changement qu'une particularité génétique, à mon avis. Gilles Boeuf, sur cette question? Oui, je rejoins tout à fait ma collègue. Regardez le cas, par exemple, des pêcheries qui ciblent en Méditerranée des poissons, le merluchon, par exemple. Hein. Et en 30 ans, ils ont diminué par deux l'âge pour parvenir à la maturité sexuelle. Ça va pas à ces vélocités-là. C'est le fait qu'on a tiré toujours les plus gros. Et puis, c'est le même genre de système qu'on a dans les villes aussi, hein. Une surpression à un moment de surexploitation, ça peut être aussi, comme on l'a vu là, un surdimensionnement de ressources alimentaires qui n'était pas là auparavant, va faire que le vivant peut réagir assez vite. Mais du coup, c'est au détriment d'autres espèces, bien évidemment, hein. Vous avez quelques opportunistes qui vont se mettre à proliférer. C'est ce qui se passe en ce moment sur les continents de plastique en mer. On voit des insectes du plein océan qui étaient très rares, qui maintenant, en fait, se retrouvent à des biomasses incroyables avec le petit crabe prédateur qui vient aussi sur ces microplastiques. Mmh. On va continuer à parler de cette faune urbaine. On va prendre un certain nombre d'exemples dans quelques minutes. On va essayer de comprendre surtout aujourd'hui comment on les étudie, comment on les préserve, comment on les régule si besoin de régulation il y a, sera dans quelques secondes musicales. Animal de Fakir à 16h35 sur France Culture. Nous parlons d'animaux et plus précisément d'animaux en contexte urbain en compagnie d'Émilie Baudry qui est enseignante-chercheuse de laboratoire écologie systématique et évolution à l'université Paris-Saclay et Gilles Boeuf, biologiste, professeur à Sorbonne Université, président du CEBIOS, le centre d'études et d'expertise en biomimétisme et professeur invité au Collège de France. Alors on va prendre quelques cas concrets de ces espèces qui se sont installées en milieu urbain et si vous vivez en ville et notamment à Paris, vous n'avez pas pu ne pas remarquer l'importante augmentation de la population de corneilles, qui était encore rare il y a une vingtaine d'années. Elles sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses et peuvent parfois adopter des comportements agressifs avec les passants. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas. Vous êtes allé donner des petits croutons aux corneilles du Jardin des Plantes à Paris. Alors moi personnellement non, mais c'est vrai qu'à Paris, vous avez raison, les corneilles prolifèrent car elles trouvent dans nos poubelles de quoi bien manger. C'est que depuis la mise en place des poubelles anti-attentats, c'est-à-dire des sacs en plastique transparents, très faciles à percer d'un coup de bec, elles arrivent à récupérer des restes de sandwich, de frites ou de chips. Au Jardin des Plantes, beaucoup de gens viennent pique-niquer. C'est donc un endroit idéal pour se restaurer. Frédéric Giguet, ornithologue au CESCO, coordonne une étude depuis 2015 pour évaluer justement le lien entre leur survie et la consommation de nos déchets. Ici, nous sommes au Jardin des Plantes, plus particulièrement dans ce qu'on appelle le carré Lamarck, qui est une partie de jardin où il y a 12 bandes de pelouse. Alors j'en parle parce que c'est particulièrement intéressant, parce qu'on a fait des expériences sur ces pelouses à propos des corneilles, justement, et du fait qu'elles arrachent l'herbe, notamment en hiver, pour aller chercher des larves de hanneton. Alors, les corneilles sont omnivores, elles mangent des petits insectes, des graines, des baies, mais pour autant, elles se sont adaptées aussi à l'alimentation urbaine, notamment à travers les déchets, les poubelles, et il y a un phénomène à proximité d'ici où elles se regroupent parfois. Exactement, en fait, les parcs comme celui-ci, alors vous avez juste à la sortie un fast-food d'une marque bien connue, dont elles reconnaissent les emballages. Depuis le début des années 2000 et une série d'attentats, on a complètement changé les poubelles dans l'espace public, qui sont aujourd'hui des sacs plastiques transparents, qui sont souvent très accessibles et dans lesquels les oiseaux vont reconnaître des emballages particuliers où il peut rester une frite, un bout de pain, un morceau de viande, et donc elles vont ouvrir ces sacs, percer les sacs, sortir tous les déchets pour trouver à manger. On a aussi tous les gens qui pique-niquent, les sorties scolaires, les restes de chips, etc. Après, on retrouve des oiseaux avec qui sont morts de différentes causes. Et quand on fait des autopsies, on a quand même pas mal d'oiseaux qui ont des foies trop importantes. Ils sont développés à cause des sucres, sûrement. Des oiseaux, à cause de cette junk food, de la mauvaise nourriture. Alors, sur cet aspect-là, donc en ville, depuis qu'on a ce type de poubelle et que les oiseaux ont accès à cette nourriture, on a beaucoup plus de jeunes corneilles qui survivent. Et ce sont surtout ces oiseaux-là qui vont bénéficier de cette nourriture des poubelles. Plutôt une mauvaise chose. Alors c'est une mauvaise chose pour leur santé, mais si on n'avait pas ces poubelles, on aurait deux fois plus de corneilles, de jeunes corneilles qui mourraient. Du coup, on se retrouve avec des grands... Ça réduit la mortalité. Voilà. Donc sur la première année. Donc du coup, on se retrouve avec des grands groupes de corneilles immatures qui squattent ces parcs et jardins, parce qu'il y a cette source de nourriture et qui peuvent survivre grâce à ça. Et alors, super intéressant, comment on le sait? Comment on peut le confirmer? Eh bien, dans ce parc, dans ce jardin, je baque des corneilles depuis 2015, donc ça fait 7 ans. J'en ai capturé donc, et bagué un peu plus de 900. Chaque oiseau porte des bagues avec un code individuel. À trois chiffres. Voilà. Et coloré aussi, un code couleur. Alors voilà, et au début blanc, maintenant je pose des bagues vertes. J'ai posé aussi des bagues rouges et il y a des observateurs dans Paris qui revoient ces oiseaux, et il y a un site internet où ils peuvent... Oui, corneille-paris.fr, où en fait ça s'apparente un peu à un tableau de bord où on peut suivre les espèces qui Exactement. Sont baguées avec la localité, le département. Voilà, et on peut saisir ces observations. Et donc j'ai un grand nombre de bénévoles, de passionnés qui recherchent les oiseaux qui en observent et qui vont saisir les données sur le site. Et ça nous permet ensuite d'avoir des histoires de vie de chaque individu, qui est vu ou pas vu, qui peut être non vu mais vivant, s'il est revu plus tard, ou qui peut être non vu et mort, et il ne sera jamais revu. Et donc ces séries de 1, quand l'oiseau est vu, et de 0, on code ça en binaire, des 1 et des 0, pour dire vu, pas vu, on peut les analyser avec des modèles mathématiques pour déterminer combien de 0 sont des fausses morts. C'est-à-dire que ce sont des oiseaux vivants, mais pas vus. Tout ça, ça nous permet d'estimer ce qu'on appelle des taux de survie ou la mortalité des corneilles. Et on a regardé si la mortalité avait changé pendant les confinements. Sachant que confinement voulait dire restaurant fermé, parc fermé, rien dans les poubelles. Et on a montré, on vient d'analyser les données, que pendant le confinement, ce sont les jeunes oiseaux qui ont eu une mortalité qui a doublé par rapport à d'habitude. Les adultes ont eu la même mortalité qui est assez réduite, qui est de l'ordre de 10 à 15% par trimestre, par saison, alors que les jeunes, on est passé de 20 à 40% de mortalité. Ce qui montre bien le fait, ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que la junk food, les restes, servent de ressources subsidiaires en fait, pour ces jeunes. Voilà, exactement, mais indispensables. Et que si on supprime cette source de nourriture, eh bien, on a deux fois plus de jeunes corneilles qui meurent durant leur première année. Bon, là, on a entendu quelques corneilles, mais pour autant, elles ne s'approchent pas trop. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça, vous qui les étudiez de très près? Est-ce qu'elles se méfient de vous? Alors, là, actuellement, non, parce que je n'ai pas encore été repéré. Et puis, on n'est pas dans la zone où elles attendent. Elles doivent être près des bancs, par là-bas, pour suivre les groupes scolaires ou les gens qui pique-niquent. Mais effectivement, parmi les oiseaux que je capture, il y en a qui me reconnaissent et qui alarment dès que je rentre dans le parc, qui avertissent les autres pour dire attention, il faut se planquer, il y a le chercheur qui est là. Non seulement elle vous identifie au visage, à la morphologie, et en plus elle communique et alerte le danger. Donc c'est vraiment une stratégie collective. C'est une stratégie collective. Alors là, il y a beaucoup de monde, donc potentiellement beaucoup de nourriture, des scolaires. Des gens qui pique-niquent, vous avez des sacs de fast-food, etc. Il y a forcément une frite qui tombe, des chips écrasés au sol, des choses comme ça. Et en fait, elles attendent, elles viennent voir les gens pour avoir à manger. Alors c'est assez marrant la réaction des personnes. Il y en a qui sont ravis et qui vont distribuer une partie de leur pique-nique. Il y en a... d'autres, c'est une nuisance. Voilà, pour d'autres, c'est quasiment une agression d'avoir un oiseau qui se pose à deux, ou 5, 6, 7, 10 oiseaux qui se posent à 1 ou 2 mètres et qui attendent. Ça fait peur, mais voilà. C'est vrai qu'il y a en ville cette sensation d'invasion des corneilles. Oui, ça dépend des parcs en fait. Donc là, on a la cage-piège dans laquelle des oiseaux, j'espère, viendront pour se faire baguer. Alors là, il y en a deux, il y a un couple là-bas. Il y en a deux, il y en a un peu plus. En fait, c'est le couple, notamment de ce secteur-là, qui me voit faire mon manège à la cage, etc., qui avertit souvent les autres. Ça rend plus compliqué votre travail, finalement. Oui, surtout que je suis là pour les aider. Intelligence. Je suis là pour les aider. Et finalement, je suis leur bête noire sur le jardin. Donc, il faut être bien accroché. Non, c'est marrant. Voilà, passion corvidée, pour ce qui me concerne en tout cas. On va vous remettre les liens vers l'émission que nous avions consacrée à cette catégorie d'oiseaux particulièrement fascinante et intelligente. Une réaction, Emmanuel Baudry, à ce reportage? Oui, alors c'est effectivement quelque chose, ces oiseaux qui sont présents de façon importante, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans l'espace urbain. Et je voudrais commenter peut-être l'aspect perception des urbains, que c'est des oiseaux qui sont en quantité importante. Alors je vais rebasculer par contre sur les pigeons, parce que j'ai plus travaillé sur les pigeons. Ce qui m'avait frappé à l'époque quand je capturais des pigeons dans Paris, c'est que quand les passants me voyaient faire, il y avait vraiment deux réactions à l'opposé. Il y en avait une partie qui me disait, mais qu'est-ce que vous allez faire avec ces oiseaux? Mais vous allez pas les maltraiter? Mais attention, mais comment ça? Et il y avait une partie qui me disait, mais vous allez les tuer, c'est bien, il y en a trop, vraiment, il faut faire quelque chose. Donc on a vu vraiment cet aspect très contrasté de certaines personnes qui se sentent complètement envahies par les animaux et d'autres qui au contraire trouvent ça super d'en avoir. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup, je trouve, avec la faune urbaine, des différences vraiment importantes. Alors en fonction des espèces, certaines espèces sont beaucoup plus charismatiques que d'autres, mais aussi en fonction des gens en fait. Mmh. Gilles Boeuf, sur ce reportage, sur les corneilles, si on veut rester un peu sur cet exemple, effectivement, moi qui suis parisien de longue date, elles sont là depuis pas très très longtemps, mais en tout cas, elles sont arrivées en grand nombre. Bien sûr, ça nous pose même un problème pour entretien des pelouses, ce qu'évoquait Frédéric tout à l'heure, et c'est clair. Puis on oublie que les corvidés sont des animaux super intéressants et intelligents. Oui. Ces oiseaux font des choses, sont capables de performances incroyables. En parlant de pullulation en ville, j'aimerais vous parler d'un cas qui n'est pas en France, mais que je trouve fantastique en faune urbaine, c'est l'Inde, avec les serpents venimeux. Mmh. Les Indiens me disent toujours Bangalore, il était un moment, donc c'est 12 millions d'habitants, il y a des serpents extrêmement dangereux, en plein centre-ville. Moi j'avais capturé en une semaine deux femelles de cobra dans le jardin d'un ami, qu'on n'a pas tué, qu'on est allé mettre plus loin. Et en fait, c'est parce que c'est pas entretenu, donc je leur disais, vous n'aimez pas les serpents, vous les Indiens, nettoyez vos villes. Comme les villes ne sont pas nettoyées, il y a une prolifération incroyable de rats, qui sont plus gros que des chats, et ces serpents venimeux sont attirés par ces rats en fait. Ça veut dire que c'est toujours lié à un dysfonctionnement de comportement humain. Alors les cobras, mais il y a des serpents comme la vipère de Russell en Inde, qui est responsable de plus de 10 000 morts par an. Un venin extrêmement actif en pleine ville. Donc c'est vrai que si l'humain ne fait pas attention à ses activités, ça va entraîner des proliférations comme celles qu'on décrivait tout à l'heure. Ce qui m'afflige quand même, c'est que la malbouffe, ça affecte aussi les oiseaux. Il n'y a pas que des humains trop gros, ça affecte aussi les oiseaux qui consomment ceci. Et ça, c'est une superbe démonstration, Émilie en parlait tout à l'heure, des comportements humains complètement délirants qui font qu'en ne faisant pas attention, on crée des contraintes et des choses qui ne seraient pas passées sans une présence massive de l'humain comme cela. Et la ville est un merveilleux laboratoire à ciel ouvert pour faire ceci. Sur les corneilles, juste à côté de chez moi, il y a vraiment un groupe de corneilles pas très loin qui effectivement se nourrit sur les poubelles. Et je les ai vus assez récemment avoir des comportements agressifs, c'est-à-dire vraiment voler très bas sur des passants. Alors, je me demandais si c'est pour se nourrir. Est-ce que ce comportement agressif, il est rare, il est de plus en plus fréquent? C'est la conséquence d'une habituation et finalement d'une position élevée. Comment est-ce qu'on l'analyse, Emmanuel Baudry? Est-ce qu'il est vraiment dangereux? Est-ce qu'à un moment donné, ça va poser problème? Alors, dangereux, j'ai pas l'impression que ce soit forcément quand même un vrai problème. Enfin, il me semble que ce soit pas quand même un problème majeur. Par contre, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe chez pas mal d'espèces urbaines. Ça fait partie, en fait, du syndrome d'adaptation à la ville. Ce qu'on retrouve en ville, c'est en général, alors c'est moins d'espèces, hein, encore une fois, que dans le milieu naturel, mais c'est des espèces très abondantes avec des densités vraiment élevées parce que, bah, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, il y a beaucoup de ressources dans l'environnement. Du coup, on a des densités anormalement élevées. Et ça, en fait, ça sélectionne des animaux qui vont avoir à la fois plus de tolérance et moins de peur pour l'humain et plus d'agressivité envers leurs congénères et envers aussi les êtres humains. Du coup, quelque part, bah oui, en fait, c'est un petit peu normal, c'est-à-dire qu'en milieu urbain, pour bien s'adapter au milieu urbain, il faut être plus agressif envers les autres animaux et avoir moins peur et donc être plus agressif vis-à-vis des humains. Donc c'est assez attendu finalement. Ce qui est vrai pour les corneilles, Gilles Boeuf, c'est vrai pour plein d'espèces. J'ai le souvenir aussi en Malaisie de petits singes, je crois que c'était des macaques d'ailleurs, ça veut prendre avec beaucoup de prudence, mais qui avaient l'habitude de venir voler en fait des objets aux touristes pour pouvoir avoir de la bouffe en échange, quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment facile, voilà. Hein, regardez les petits singes de Gibraltar qui vous ouvrent votre sac partout. Les singes, c'est quand même particulier, hein, ils ont quand même une capacité à réfléchir assez extraordinaire. Donc c'est vrai que partout, mais souvent le comportement agressif est lié aussi à la reproduction, c'est-à-dire que ils ont du mal à avoir des territoires quand ils sont très nombreux comme ça en ville. Et c'est le moment où on va entrer dans un territoire de production. Moi, je me rappelle, par exemple, pas du tout en ville, mais dans des zones arctiques où vous avez des sternes, vous avez au mètre près un territoire dans lequel il faut pas entrer. Et là, la sterne, elle attaque carrément, elle vous donne un gros coup sur la tête, hein. Ouais. Et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est vous qui déraillez, vous n'avez pas à aller la perturber. Et en ville, on perd ses comportements, tout est un petit peu mélangé, c'est diffus, et ça fait qu'on arrive à ceci, hein. Puis finalement, ben, n'exagérons quand même pas, je suis d'accord avec ma collègue, bon, c'est quand même pas le film de Hitchcock, Les Oiseaux, mais bon, si des gens y sont, ça fait peur. Ouais. Alors, si on parle des espèces qui s'installent, qu'est-ce qui s'est passé, Emmanuel Baudry, avec les moineaux? Moi, pareil, ayant grandi à Paris, j'ai grandi avec plein de petits moineaux à qui on donnait d'ailleurs peut-être plus volontiers du pain, qui étaient plus acceptés que les pigeons, et là, aujourd'hui, on en voit vraiment quasiment plus du tout. Alors, les moineaux, c'est effectivement, ça fait partie des espèces qui étaient des espèces urbaines et qu'on voit beaucoup moins. Alors, je connais pas exactement. Il me semble qu'une des causes qu'on soupçonne, c'est la disparition du crottin de cheval, qui était une des sources de nourriture en fait pour les moineaux. Et puis les chevaux, bien sûr, ont arrêté d'être présents en ville. Alors, c'est peut-être aussi je crois que ça fait aussi partie des espèces qui réagissent mal à l'augmentation de densité urbaine. Du coup, qui se portent relativement bien dans des villes assez peu denses, mais avec la densification qui s'est accélérée dans toute l'Île-de-France notamment, il me semble qu'ils font partie des espèces qui régressent. Mais j'ai pas forcément beaucoup plus de connaissances là-dessus. Gilles Boeuf, vous avez des informations sur la disparition des moineaux? Non, pas plus que ma collègue en tout cas. C'est le monde d'Afrique d'Éric Giguet, je pense que Frédéric aurait été là-dessus. Tout à l'heure, il faut dire aussi que elle parle du crottin de cheval, là, mon ami, tout à l'heure, mais le problème du crottin de cheval, c'est qu'il y en a un petit peu, mais il est traité. On a un problème dramatique en Fontainebleau avec les chevaux qui sortent de club, et vous trouvez sur le crottin de cheval, sur les allées, 25 scarabées qui sont morts. Ça veut dire que ce crottin est devenu toxique. Et ça crée aussi des conditions très particulières. Alors, on peut sortir les chevaux de club en ville ou dans les périphéries urbaines, mais pas traiter au vermifuge. Donc vous voyez que sans arrêt, par nos comportements irréfléchis, on crée ces conditions particulières. Alors certains vont en tirer parti, un petit nombre, on est bien clair, hein, il y a quand même moins d'oiseaux que dans la forêt tropicale de Colombie, à Paris. N'empêche que d'autres arrivent à beaucoup merveilleusement mieux s'en tirer. Et ça, c'est toute l'histoire de l'activité humaine, que ce soit en surexploitation des stocks, en dissémination de tout partout, qui fait que certains, finalement, s'en sortent beaucoup mieux. Est-ce que c'est ce qu'on voudrait avoir tout le temps avec nous? La question est vraiment posée, bien sûr. Hein. Je crois qu'il y a un problème de pollution aussi. Comment ces animaux réagissent-ils à la pollution? Parce que la pollution, on a entendu le problème de la malbouffe qui donne des foies gigantesques aux corbeaux, mais aussi aux mouettes. Est-ce que les animaux sont obligés de s'adapter ou cela veut dire que les animaux qui s'implantent en ville sont plus résilients justement aux toxiques en règle générale? Oui, alors très clairement, ça fait partie des grosses pressions de sélection qu'on trouve en milieu urbain. Donc il y a beaucoup de pressions de sélection et celle-là en fait partie. On connaît quelques très jolis exemples d'adaptation, y compris génétique, à cette quantité de polluants ou d'éléments toxiques dans les villes. Alors ce qu'on sait depuis longtemps, c'est que les rats, par exemple, sont devenus résistants à la... Et comment ça se prononce ? Warfarine, j'espère qu'on prononce comme ça en français, qui fait partie des raticides qu'on a beaucoup utilisés. Et du coup, à l'heure actuelle, les rats sont la plupart en fait résistants grâce à un polymorphisme génétique à ce produit. Il y a un autre joli exemple, c'est celui des petits kili, c'est des petits poissons colorés qu'on va trouver qu'on va trouver en milieu aquatique et notamment en milieu urbain, et qui ont développé en fait une résistance à la présence de PCB. Alors le PCB, c'est ce produit, le pyrolène par exemple, c'est un exemple. Ça a des propriétés très chouettes et c'est horriblement toxique. Et du coup, en fait, dès qu'on en trouve dans l'eau, ça fait une énorme pression de sélection. Et du coup, on a cette adaptation des espèces à ces contaminants qui sont vraiment malheureusement courants en fait dans le milieu urbain. Donc oui, tout à fait. Un mot également, Gilles Boeuf, du côté des mammifères, on retrouve notamment dans les grandes villes et dans les espaces urbains, dans les friches, beaucoup de renards. Je crois qu'on en a dénombré plus d'une centaine à Paris notamment. Oui, à mon avis, c'est même beaucoup plus que ça. Hein. Oui. Si on a dénombré 100, il y en a en fait beaucoup plus que ça. Et la martre, la fouine, le blaireau reviennent dans beaucoup d'endroits. Même au jardin des plantes, par exemple. Hein. On a des cas intéressants. Juste une petite anecdote sur ce que disait mon ami sur les poissons. Là, on se préoccupe beaucoup de la qualité de l'eau de la Seine en ce moment pour les Jeux Olympiques. Hein. Eh bien, il y avait 6 espèces de poissons il y a 20 ans dans Paris. Maintenant, il y en a 16. Mais avec des problèmes liés à ces toxicités qu'évoquait à l'instant mon ami. Récemment, on m'a amené un petit poisson de la Seine. Il avait un testicule et un ovaire. Voilà. Ce qui veut dire qu'il y a plus d'espèces qui sont revenues. Hermaphrodite. Tous les perturbateurs endocriniens. Donc ça, c'est typiquement le genre d'activité humaine qui est délétère pour l'humanité, mais également pour tous ces animaux qui nous entourent aujourd'hui. Pour revenir aux mammifères, oui, il y a beaucoup de mammifères qui sont capables de revenir dans Paris. Alors les très grands, c'est plus compliqué, évidemment. Est-ce qu'ils ont la place? Mais encore une fois, si je reviens à l'Inde, vous avez des animaux de très grande taille en plein centre des grandes villes. Hein. Bon, tu vois les animaux que chez nous. Je me rappelle, on parlait du puma tout à l'heure, qui est certainement le félin le plus adaptable. Hein. Il vit nord de l'Alaska, à la Terre de Feu. Vous le trouvez absolument partout, en très haute montagne, dans les Andes, dans la forêt amazonienne, au bord de la mer en train de manger un cadavre de baleine, dans les déserts du Mexique et en pleine ville. Donc ces animaux-là qui ont ces capacités, je dirais, incroyables, pour pouvoir effectivement survivre dans des milieux tellement variés, sont nettement avantagés. Mais du coup, ça entraîne un problème sur les autres qui ne sont pas capables de faire ça. On parlait du moineau tout à l'heure. Oui. Pour conclure, puisqu'on arrive dans les dernières minutes de cette émission, aujourd'hui, quelles sont les recherches qui sont en cours? Quelles sont également les politiques qui sont menées dans certaines villes que vous pouvez citer en exemple pour encourager cette biodiversité, pour la réguler d'une autre? Est-ce qu'elle est prise en considération de manière globale? Qu'est-ce qui se fait en fait en ce moment, Emmanuel Baudry? Oui, alors moi je pense que c'est vraiment une problématique qui est en train de beaucoup émerger. Alors j'étais la semaine dernière sur un colloque qui s'appelait La nature en ville, et donc c'était vraiment une des thématiques principales. Alors il y a beaucoup de choses, je pense, qui se font maintenant. Alors peut-être un petit peu plus à l'heure actuelle pour la végétation, parce qu'elle est plus apparente en fait, hein, par rapport aux animaux qu'il faut regarder un petit peu plus. Mais très clairement, je pense qu'il y a deux problématiques. Il y a celle de considérer la ville comme un endroit qui peut accueillir de la biodiversité, ce qui n'était pas le cas avant. Alors pour les animaux, on a beaucoup maintenant de politiques de mettre des nichoirs pour les oiseaux, des hôtels insectes. Donc on a vraiment cette volonté d'accueil. Donc la ville comme écosystème avec de la biodiversité. Et l'autre problématique qui est super intéressante aussi, c'est de réaliser qu'en fait les gens ont besoin de nature, qu'on peut montrer que la relation qu'ont les urbains à la nature, elle est importante pour eux, pour leur bien-être, pour leur motivation à protéger plus généralement la nature. Et que les animaux en ville, alors surtout ceux qui ont une image positive quand même, hein, surtout les écureuils, les hérissons, peut-être un peu plus que les rats et les pigeons, eh bien ils vont contribuer en fait à cette relation des gens avec la nature, avec leur bien-être et à leur motivation après, plus largement, pour prendre en compte la biodiversité dans leur vie de tous les jours ou dans les politiques. Donc un rôle, effectivement, dont l'importance, je pense, est en train d'être de plus en plus reconnue pour les politiques urbaines. Gilles Boeuf, sur cette question, effectivement, il y a deux choses. Il y a des politiques publiques et puis il y a des investissements privés. Notamment, Emmanuel Baudry parlait des nouveaux bâtiments qui sont construits, effectivement, avec des espaces aménagés pour les oiseaux, pour les insectes, même pour les chauves-souris, éventuellement. Oui, on le fait maintenant. Vous avez des architectes en France, à Paris, qui sont capables de construire un nouveau lycée, par exemple, dans Paris, avec entre les bétons, des aménagements pour que puissent nicher les hirondelles qui peuvent pas revenir. Et puis aussi des hôtels à insectes, on en parlait tout à l'heure. Et puis aussi des endroits qui sont aménagés pour garder un tas de faune et de flore. Et ça, c'est super important. J'insisterai sur un aspect aussi qu'on a beaucoup développé, qu'on appelle les sciences participatives. C'est demander aux citadins, en relation avec les chercheurs, il faut dire que j'y connais bien ça, mon ami aussi qui discute là de Saclay aussi, c'est d'aller demander à chaque citadin d'être un informateur et un récolteur de données. Et on l'a vu, par exemple, sur Spipol. Spipol, c'est donner à un enfant un petit appareil photographique et de photographier tout ce qui vient sur une fleur en 20 minutes. On a eu un merveilleux calvat des insectes remus dans Paris. Et sur les plantes qu'on évoquait aussi tout à l'heure aussi, sauvage de Marus, c'est magnifique. C'est expliquer aux gens que les mauvaises herbes ne sont pas des mauvaises herbes, mais sont là base d'un support de diversité, bien sûr, importante. Si les animaux reviennent en ville, c'est parce qu'il y a aussi des plantes. Donc, je crois que tout ce travail qu'on pourra faire en relation entre la personne, la femme, l'homme qui vit dans une ville, et puis les scientifiques, est très importante parce que la grosse différence par rapport aux chercheurs, c'est que ces gens-là, ils sont partout et tout le temps, et pour nous, c'est fondamental. Et mis ça dans des protocoles scientifiques, c'est extrêmement intéressant pour lire, justement, le retour du vivant en ville, et puis ceux qui s'en vont aussi. Emile Baudry, sur cet aspect science participative. Oui, alors je voulais juste te dire que nous, c'est aussi quelque chose qu'on utilise. Alors, Spipol et Bird Lab, qui sont deux gros programmes de science participative. Et juste pour juste renchérir sur ce que dit Gilles, à savoir, c'est des programmes qui sont vraiment géniaux, en ce sens que, à la fois, pour les écologues, ils aident à produire des données. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que pour les gens qui participent, ça change en fait leur regard sur la nature, sur la biodiversité. Le fait d'observer avec un objectif, le fait de pouvoir identifier les espèces, le fait de participer à ces programmes. On voit aussi que c'est quelque chose qui est très motivant et puis qui va enrichir vraiment leur vision des écosystèmes urbains. Donc juste pour enchérir sur le fait que c'est des super programmes, faites des sciences participatives. Alors on vient de vous mettre le lien vers l'émission que nous avions consacrée aux sciences participatives et puis on va vous mettre des liens également vers Spipol et Bird Lab si vous vous êtes intéressé pour y participer. Un mot de conclusion peut-être, Gilles Boeuf, vous évoquiez tout à l'heure le fait que c'est le cimetière du Père Lachaise qui est l'un des plus grandes réserves de biodiversité à Paris. On y trouve quoi exactement au cimetière du Père Lachaise, en plus que dans d'autres parcs. On parle de ces mammifères, ces mustélidés qu'on évoquait tout à l'heure, les martes, les fouines. On a parlé bien sûr aussi des hérissons. Il y a un tas de choses. Moi, j'attends le retour du loup, vous savez. Je vous rappelle la chanson de Reggiani, hein. Les loups sont pas loin de Fontainebleau, donc j'attends le retour du premier loup au Père Lachaise. Hein. Je sais pas comment les humains vont prendre ça en considération, mais c'est vraiment pour nous ramener à ce que nous sommes, un fragment de biodiversité. Et plus il y aura de liens entre cette biodiversité, de réflexion, d'amour pour elle, hein, plus tous ces participatifs qu'on évoquait à l'instant, ils feront plus attention. Et la recherche scientifique, les écologues ont besoin de tout ça. On est là pour éclairer. Et puis souvent, le vivant a des capacités à répondre à des choses complètement contre-intuitives. Et ça, je pense que tout ça, au niveau de l'écologie urbaine, on a plein d'exemples extrêmement intéressants. Justement, quoi de contre-intuitif, par exemple, Gilles Boeuf? Bon, je pense par exemple au retour du pèlerin qu'on décrit comme un animal effectivement toujours dans des points très particuliers en pleine ville. Puis ce que je trouve fabuleux, moi, c'est la capacité du rat. Hein. Les marquages qu'on évoquait tout à l'heure, quand on fait de la génétique, on se rend compte que souvent ces espèces qui ont débarqué de bateaux humains nous montrent toute une histoire de l'évolution qu'on n'avait absolument pas imaginée. Vous savez, je prends un exemple tout simple. Vous savez que si vous nourrissez le blob, hein, dont on parle beaucoup en ce moment, bon, qui n'est pas du tout une espèce de l'asile, hein, qui vit dans les forêts, avec des flocons d'avoine qui sont bio, ça le rend malade. Alors ça, c'est intéressant comme réaction. Pourquoi ça? Ah, il y a des moisissures. Bah, probablement parce que ce qui est bio et effectivement se défend un petit peu, donc des mycotoxines qui sont contenues dans ces flocons d'avoine pas traités font que le blob il aime pas ça. Mais c'est un clin d'œil, hein, je suis pas en train de dire que surtout qu'il faut manger des pesticides partout, mais c'est pour vous montrer que jamais aussi noir, aussi blanc qu'on pourrait croire. Tout à l'heure ce que disait mon ami sur la capacité du rat en particulier ou de petits poissons comme les guppies à trouver des réactions à l'empoisonnement, et c'est assez génial au niveau de la recherche fondamentale, parce que nous, on s'empoisonne par ces substances-là aujourd'hui. Comment pourrait-on détoxifier les gens? Un exemple sur Paris, c'est la détoxication des sols en ce moment. On va faire les Jeux Olympiques sur des endroits quand même qui ont été pendant très longtemps urbanisés. Comment est-ce qu'on ramène la capacité du vivant? Comment on l'augmente? Et chaque fois qu'il y a un petit individu, une plante ou un animal qui réagit et qui s'adapte à un milieu extrêmement contaminé, c'est super intéressant. Lui, il trouve davantage, il n'y a que lui qui peut vivre là. Mais ça peut nous renseigner pour savoir comment on pourrait effectivement détoxifier ces milieux. Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, merci d'être venus nous parler de cette faune urbaine. Merci Emmanuel merci Baudry. Beaucoup. Merci Gilles Boeuf, la méthode scientifique. C'est Céline Lozen, Natacha Triou, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Amel Boucherka, Antoine Beauchamp, Hélène Trigueros à la réalisation, Ludovic Auger aujourd'hui à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France et sur franceculture.fr. Et ce, à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire. Merci.